Je connais bien ce regard, ces yeux qui se ferment par instant. Ces pensées qui nous séparent et qu'on ne partage, même en rêvant. Fixé droit vers l'océan, peine muette, course d'enfant. Bout de vie que tu caches, à l'abri dans ton silence que brise ma voix. J'aimerais tant savoir souffler comme le vent sur ton doux visage, faire partir le noir, disparaître le temps, casser les nuages, parler. T'arrêter dans les eaux profondes, quelque part. Tu nages pour ne pas couler, et ici-bas, c'est déjà le soir. Et moi j'attends sur le pont, impuissante et seule, si souvent. Moi qui n'aime que ta voix, petit point sur l'horizon, j'ai peur qu'un jour tu ne reviennes pas. J'aimerais tant savoir souffler comme le vent sur ton beau visage, faire ce